Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. La rentrée est déjà derrière nous et au registre des bonnes résolutions, vous avez décidé de vous inscrire dans une salle de sport. Très bonne idée. Pourtant, un club mal choisi peut vite décourager les apprentis sportifs. Avant toute chose, vous devez établir ce qui vous attire le plus. Êtes-vous davantage muscu, zumba, stretching? Préférez-vous les cours collectifs ou souhaitez-vous travailler seul dans votre coin? Une fois les réponses apportées, vous pourrez commencer à sonder les différents clubs. Autant que possible, essayez de localiser une salle proche de chez vous ou de votre travail. Car si vous devez passer 30 minutes dans les transports pour vous y rendre, cela risque de freiner votre élan sportif. Vous hésitez entre plusieurs établissements? Demandez à faire une séance d'essai. La pratique s'est depuis longtemps généralisée. Voilà qui devrait permettre de vous assurer que l'ambiance et les machines vous conviennent. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas une petite visite des vestiaires, histoire de vous assurer de leur propreté et du nombre de douches. Au cours de votre discussion avec le coach, n'hésitez pas à lui demander ses références. Seuls des diplômés d'État pourront établir des programmes d'entraînement personnalisés à réaliser après une évaluation d'aptitude physique et technique. Enfin, le jour de l'inscription, il est tout à fait possible que l'on ne vous demande pas de certificat médical. Il est tout de même préférable de demander avis à un médecin, d'autant plus si vous n'avez pas pratiqué d'activité physique depuis longtemps.